saluons chacun de vous ce soir, nos Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu magharibi ya leo mchina ya Bwana Yesu. Le pasteur Kazadi wa Kalenga, Lubumbashi. Pastori Kazadi wa Kalenga wa Lubumbashi. Vous a tous salué. Alimi salimia nini yote. Et vous a souhaité les meilleurs vœux. Na alimi takia mwaka mpya. Pour cette année 2021. Yai 2021. Il y a aussi l'ancien Kapande. Kuko tena mzee Kapande. Qui vous a souhaité ses vœux. Na alimi takia mwaka mzuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Prenons notre livre de Néhémie. Tuchugue kitabu yetu ya Nehemia. Néhémie au chapitre 5. Néhémia sura 5. Dans son verset 1. Mustari ya kwanza. Seigneur notre Père. Bwana Mungu Baba yetu. Toi seul tu es l'alpha et l'oméga. Oui, peke njo alpha na omega. Tu es le premier et le dernier. Ukuwa kwanza na wa mwisho. Tu es la source de vie. Weye njo chemchemu ya bujima. Et tu es même la lumière. Na uko tena nuru. Nous venons en ta présence cet après-midi. Tunakuja mwepo wako mangaribi ya leo. Pour que nos vies soient éclairées. Ju maisha yetu yangaziwe. Nous sommes fatigués par la vie du péché. Tunachoka na maisha ya zambi. Nous voulons recevoir de ta part ta portion. Tunapenda kupokea kwa upande wako sehemu yako. Qui nous donnera de l'intelligence et de la sagesse. Il est atupatia akili na hekima. Pour nous conduire sur cette terre. Ju ya kutongoza papa dunia. Nous avons besoin de ta conduite, ô Père. Tunahitaji uongozi wako baba. Parce que sans toi nous ne pouvons rien. Kwani bila wewe hatutaweza kitu. Le prédicateur peut apporter la parole. Mubiri anawezi kubiri neno. Mais il n'a pas le pouvoir de changer les gens. Alakini yeye anana uwezo ya kubadilisha watu. Envoie la puissance du Saint-Esprit. Utume uwezo wa Roho Mtakatifu. C'est elle seule qui est capable de tout. Yo peke yayo nje kuna uwezo ya kuweza yote. Seigneur merci. Bwana asante. Bénis chaque frère, chaque sœur. Ubariki kila ndugu na kila dada. Bénis cette église d'une manière particulière. Ubariki kanisa mnamna ya upekee. Nous avons besoin de ta conduite. Tunahitaji uongozi wako. Et nous voulons que ta paix règne dans nos cœurs. Tunapenda salama yako itawale moyo wetu. Nous avons besoin de ta révélation. Tunahitaji ufunuo wako. Et cela nous éclairera aussi. Nayo itatuangazia pia. Bénis la parole que nous allons lire. Ubariki neno ile tutasoma. Du début à la fin soit honoré. Mwanzo na mwisho uheshimiwe. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Néhémie chapitre 5. Néhémia sura ya 5. Il s'éleva de la part des gens du peuple. Kukalamuka kwa upande wa watu wa mataifa. Et de leurs femmes. Na kwa upande wa wake zao. De grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Mastaki ya mingi ya kustaki wa ndugu zao wa Yuda. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Mardi, nous avons insisté sur le comportement des responsables, des conducteurs, des juifs. Mukazimbiri turuweka mukazo yulu ya namna kujongoza ya wale wakubwa wa Wayuda wale wa viongozi. Alors que l'œuvre tendait déjà à la fin. Japo kazi ilikuwa karibu kumalizika. Après avoir vaincu les attaques des ennemis, kisha wao kushinda makushambulia ya adui, par l'assistance du Seigneur, ils ont rebâti la ville en des temps fâcheux. Kupitia msaada wa Bwana Mungu balijenga muji mwakati moya ya mubaya. Mais voilà que le diable avait changé de tactique pour décourager cette œuvre à partir de l'intérieur. Sasa tazama shetani alichukua mpango ya yeye kuharibisha hii kazi kupitia viongozi. Et ce sont le frère juif. Nani wanduku wa Yuda qui occupait des places de responsabilité. Bale wakwa na buzito ya kuongoza. Qui prêtait maintenant à leurs frères de la nourriture. Bale wakwa sasa na kopesha wanduku zao chakula. Contre un gage. Kwa kitu fulani. Ils prêtaient à leurs frères de l'argent pour payer les taxes du roi. Tout en leur demandant des garanties. Alakini na kuwaomba faida. Ils les traitaient comme des esclaves. Walikuwa na watendea sawa watumwa. C'est pourquoi nous avons dit depuis mardi. Chukamana mukazi mbili tulisema. Pour montrer que la cupidité parmi les conducteurs n'est pas une bonne chose. Je connais chassema tamaya feza katikati ya biongozi aina kitu kizuri. La cupidité freine l'œuvre de Dieu. Tamaya feza iko nasimamisha kazi ya Mungu. La cupidité arrête l'œuvre de Dieu. Tamaya feza ikuna simamisha kazi ya Mungu. La cupidité détruise l'œuvre du Seigneur. Na tamaya feza ikuna haribu kazi ya Bwana. La cupidité ce n'est pas seulement la convoitise de l'argent, non. Il y a l'argent, il y a les richesses mondaines. Manake tamaya mali. Ils vivaient maintenant sur le dos de leurs frères et les appauvrissaient davantage. Walikuwa naishi mkutawala wa ndugu zao na kuwafanya kuwa masikini zaidi. Après qu'ennemi ait entendu les accusations de leurs frères, kisha Nehemia kusikiliza mastaki ya wa ndugu zake. Dans Nehemia au chapitre 5 dans son verset 6. Nehemia sura 5 mstari ya 6. Je fus très irrité. Nikasirika kabisa. Lorsque j'ai entendu leurs plaintes et ces paroles-là. Wakati narisikiliza mastaki zao na ile maneno. J'ai résolu de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Nikachukua mipango ya kukemea viongozi na wamzi. Et je leur dis. Na nikawaambia. Quoi? Nini basi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? Munakopesha na faida kwa ndugu zenu. Et j'ai rassemblé autour d'eux une grande foule. Nikakusanisha kando kando zao kundi ya watu mingi. Et je leur dis. Na nikawaambia. Nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères, les Juifs vendus aux nations. Tunakombola kufuatana na uwezo yetu, wandugu zetu wa Yuda kutoka mataifa. Et vous vendriez vous-même vos frères? Lakini mweye munauzisha wandugu zenu. Na mwe mutauzisha. Na mwe munapenda muuzishe wandugu zenu. Et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Eti ni kwetu sisi njo wanapashu kuzishiwa. Ils se turent. Wakakaa kimya. ne trouvant rien à répondre. Awakukwena jibu ya kunipatia. Puis j'ai dit. Kisha nikasema tena. Ce que vous faites, ile mko nafanya n'est pas bien. Haina kitu kizuri. N'êtes-vous pas marché dans la crainte de notre Dieu? Eti mwenye amukupashi kutembea mboga ya Mungu. Pour n'être pas insulté par les nations qui sont vos ennemis. Dieu musichambuliwe wala basimitukane kwa mataifa benye kwa baadui. Moi aussi et mes frères et mes serviteurs. Mimi nami na wandugu zangu na watumishi wangu. Nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Tuliwakopesha fedha na ngano. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Tuache inyewe ile walipashi kutulipa. C'était une forte réprimande. Il y a ni makemeo yanguvu kabisa. Nous avons fait un point là avant de nous arrêter. Turuweka nukta pale mbele ya sisi kusimamisha. Pour nous en tant que croyants, kwetu sisi sawa waaminifu, même aujourd'hui dans cette église, hata leo hii mu hii kanisa, nous ne devons pas prêter à nos frères, à nos sœurs. Hatuwezi kukopesha wandugu zetu wala wadada zetu de l'argent par intérêt. Feza juu apate kutulipa na faida. Ou des choses par usure. Wala kuba kongosha bitu juu ya maongezi. Non, frère. Hapana ndugu zetu. Non, ma soeur. Hapana dada. Ce n'est pas bien. Haina kitu kizuri. C'est nous qui devions aider nos frères qui sont en difficulté pour qu'ils vivent avec nous. Ni sisi ndio tulipashi kusaidia bandugu zetu bale beko magumu juu bapate kuishi pamoja nasi. C'est nous qui devions alléger leurs charges. Ni sisi ndio tulipashi kubapunguzia mizigo. Qu'ils se sentent heureux à côté de nous. Kudisikia katika raha pembeni zetu. Mais si nous devons les enfoncer, sasa kama sisi tunaanza kuwatumbukiza, là il n'y a plus d'amour. Pale mapendo haiko tena. Il n'y a plus de compassion. Hakuna tena buluma. Il n'y a plus de miséricorde. Hakuna tena rehema. Si vous avez quelque chose, kama uko uko na kitu fulani, et que tu vois ta soeur ou ton frère en difficulté, na ukisha ona ndugu yako wala dadako katika magumu, aide-le. Umusaidie. Dieu te bénira. Mungu atakubariki. Si tu n'as pas la possibilité de l'aider, kama una na namna kumsaidia, et que vous voulez seulement lui prêter, na unapenda tu paka umukopeshe, faites-le sans intérêt. Umukopeshe bila wewe kutumainia faida. Parce que ton frère ou ta soeur, kwani ndugu yako wala dada yako, doit vivre avec toi. Na ya napasha ishi pamoja nawe. C'est pourquoi dans la pensée divine, jokomano mawazo ya Mungu, Jésus-Christ l'a souligné dans Matthieu. Yesu Kristo aliisema mu Matayo. Il nous dit, quand vous prêtez quelque chose à quelqu'un, anasema wakati unakopesha kitu fulani kwa mtu, il ne faut plus espérer. Haipashi utumainie tena. Considérez cette chose-là comme perdue. Wewe uone ile unamkopesha sawa inaisha potea. Et si ton frère a la possibilité de te remettre, d'accord. Sasa yeye kama yuko na namna ya kurudishia ni mzuri, iko sawa. Mais si n'a pas la possibilité de te remettre, kama yeye hana na namna ya kurudishia, abandonnez cela au nom de l'amour. Wache ile deni ile kwa mapendo tu. Faut pas créer de problèmes entre frères. Haipashu lete mama mizozo katika ya wandugu. À ceux qui sont en difficulté, wabale beko katika magumu, une bonne conduite que nous devons avoir namna mzuri ya kujongoza nayo est de demander au lieu d'emprunter. Ni ya kulomba kuliko kwenda kukopa. Si toi tu es en difficulté, kama wewe katika magumu, tu n'as pas de moyens pour rembourser, hauna na namna ya kurudisha ile takopa, n'allez pas t'engager, ushende kujitoa dans un sens d'un emprunt, mwali ya kukopa. Voyez ton frère, muone ndugu zako, voyez ta soeur, muone dada zako. Dites-lui, mwambie, je suis en difficulté. Niko katika magumu. Pouvez-vous m'aider? Eti unaweza kunisaidia? Pour soulager ma misère? Upate kupunguza kwa mateso yangu? pour soulager la misère de ma maison. Usaidie ko nyumba yangu iko katika mateso. C'est Dieu qui ouvre le cœur des gens. Ni Mungu ndiye anafungua mioyo ya watu. Quand je touche le cœur de quelqu'un. Wakati Mungu anagusa moyo wa mtu fulani. Il vous donnera sans regret. Atakupatia bila kuzunika. Et vous serez dégagé de tous les liens que tu pouvais te lier. Na pale utatoka mwile kamba ile ulipenda kujifunga. Toi tu n'as pas un travail. Wewe una na kazi. Même si tu as un travail. Hata kama uko na kazi fulani. Tu n'as pas un grand salaire. Hauna na mshahara. Vous allez demander, vous allez emprunter. Unaenda kukopa. Une somme d'argent qui est le double de votre salaire. Pesa yenye kwa mingi kushindia hata mshahara yako. Non. Hapana nduku. C'est malhonnête aussi. Ile ni kuibia ni ila. On doit être sincère avec nous-mêmes. Tunapashi kwa ba moyo wa uwaki mbele yetu. La Bible est claire. Biblia inasema wazi. Demandez. Uombe. Non, vous donnera. Na, utapewa. C'est clair. Iko wazi. Tu n'as pas de quoi manger, demandez. Hauna chakula, uombe. Tu as besoin de l'argent, demandez. Unahitaji fedha, uombe. Que celui à qui Dieu touchera le cœur, moyo, qui a quelque chose à te donner, na kitu ya kupatia, il te remettra cela. Atakupatia. Et là, vous ne serez pas chargé. Pale hautaritwika na mzigo. Oui, bien-aimé frère. Dio, nduku mpendwa. Pas se charger de dettes. Pana kuritwika na madeni. Qui commence à vous ôter la paix. Ile inakutosha salama. Qui commence à vous troubler. Vous n'avez plus de sommeil à cause de la paix, à cause de dettes. Auna tena na usingizi kwa ajili ya madeni. Quand tu vois ton frère ou ta sœur. Ukiona ndugu yako wala dada yako. À qui tu as promis l'argent ou le bien. Mwenye ule ulaka sema utarudisha deni. Tu fais un effort pour t'écarter, pour fuir. Ukimwona munjia unakimbia. Cette souffrance là pourquoi? Ile mateso yote juu ya nini? Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Faut pas le faire. Haipashi kufanya vile. Ce n'est pas aussi juste. Nayo aina ya waki. On a vu des frères. Tuliona wanduku. À cause d'une dette qu'il a envers un autre frère. Wajili ya deni ila lenda ukopa kwa nduku fulani. Il n'a pas honoré ses paroles. Sawa vila sikulipe ile deni. Il commence à s'absenter de l'église. Ananza na kulofa kukanita. Parce qu'il voit seulement le frère. Akimona tu le duku ula alimkopa. Son cœur devient surchargé. Moyo wake inakuwa na mzito. Si tu as promis à un frère. Kama ulimlaka nduku. De lui payer quoi que ce soit que tu lui as emprunté. Ya kumulipa chochote ulimkopa. Et que tu n'as pas su honorer cela. Na kulipe. Voyez-le avant pour vous excuser et dire au frère ce que j'ai projeté ne s'est pas accompli. J'ai pensé que je recevais l'argent mais je n'ai pas reçu cet argent. Accorde-moi encore un délai, je vous payerai mon frère, je vous payerai ma soeur. C'est ça l'honnêteté chrétienne. Peut-être quand tu iras, quand tu iras t'excuser auprès du frère ou de la sœur, laisse-le toucher son cœur pour dire ma sœur, mon frère, oublie cette histoire-là. Tu n'as plus de dette, oublie cela. Au lieu de te cacher, de fuir et de mentir, c'est pourquoi même en empruntant, il faut emprunter avec des motifs corrects. Selon la parole de Dieu, les emprunts qui sont reconnus, emprunter pour la nourriture, emprunter pour le vêtement, peut-être tu n'as pas une maison, tu veux chercher une maison. Sasa zingine hauna na nyumba, unapenda ununue nyumba. Usabilite, tu peux emprunter. Mawe kulala, unaweza ukopa deni. Il y a des besoins fondamentaux. Huku mahitaji ya msingi. Tu peux emprunter pour payer les médicaments, unaweza kukopa ujua kuuza madawa ya kujitunza juu ile inambatana na buzima. Foyer, mais tu ne dois pas aller emprunter des histoires. Hauwezi kwenda kukopa vitu. Pour la vanité. Dieu a ubatili. Parce que tu as vu une sœur. Lui on a dada fulani. Qui a payé un tel wax ou une telle robe. Anauza vazi fulani, kanzu fulani. Et toi tu n'as pas de moyens. Wewe hauna namna. Tu vas aussi emprunter. Na wewe unaenda kukopa. Non, ça ce n'est pas juste. Hapana, aina ya uwaki. Dieu n'agrée pas un tel comportement. Mungu hawezi kukubali namna ya kutenda ya vile. Tu as déjà un téléphone. Wewe uko déjà na simu. Parce que tu as vu un autre avec un meilleur téléphone. Na vile unaona mtu fulani na simu ya kushindia yako, unaenda kukopa. Pendant que tu n'as pas de moyens. Wakati ile hauna na namna. Comment vous vous mettez seulement dans les difficultés? Dieu a nini mnajiweka katika magumu ya ovyo. Utilisez celui que vous avez. Utumie yenye unayo. Jusqu'à ce que Dieu te donnera des moyens. Ufika na pale Mungu atakupatia namna. Celui que tu voulais avoir. Na pale utanunua yenye unatamani. Ce n'est pas la fin du monde. Haina mwisho wa dunia. L'église est avec moi. Kanisa inanifuata. Ce qu'il faut faire. Njo kia kufanya. Mais vous avez le droit de prêter à intérêt aux gens du dehors. Kukopesha na faida kwa watu wa nje. Et ce n'est pas un péché. Ile aina zambi. Tu peux prêter aux païens avec intérêt. Kukopesha wapagano na faida. Quand vous prenez dans Nombre au chapitre 23. Soma Mwesabu sura makumi mbili na tatu. Prenons le verset 20. Mustari ya makumi mbili. Commençons au verset 10 et verset 19. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour l'argent, ni pour vivre. Ni rien de ce qui se prête à intérêt. Hawezi kumukopesha chochote kile banawezi kukopesha na faida. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger. Lakini utakopesha na faida kwa mtu mgeni. Mais tu n'en tireras point de ton frère. Hawezi kukopesha ndugu zako na faida. Afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Ili wa milele Mungu wako akubariki mwote ile utafanya mwinchi ile utachugua. Quand vous prenez dans Deutéronome chapitre 15. Kumbukumbu la Torati 10 na 5. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Au verset 6. Mstari ya 6. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Wa milele Mungu wako atakubariki vile alikuambia. Tu prêteras à beaucoup de nations. Utakopesha kwa mataifa mingi. Et tu n'emprunteras point. Lakini wewe usikope. Tu domineras sur beaucoup de nations. Utatawala mataifa mingi. Et ne te domineront point. Lakini yayo haista kutawala. Vous voyez bien mes frères. Unaona mtu kumpendwa. Vous voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Deutéronome chapitre. Non, je lis Deutéronome. Non, ça c'est... Aujourd'hui, je n'ai pas lu Lévitique. Oh, oui, Deutéronome aujourd'hui. Nombre. Aujourd'hui, je lis... Oh. Je viens de lire Lévitique. Vous avez dit nombre, mais c'est Lévitique. Comment ça? J'ai lu Deutéronome chapitre 23. Avant cela. Avant ça? Ouais. Ok, c'est bon. Je ne m'en rends pas compte. Alors je disais ceci. Dans Deutéronome au chapitre 15. C'est là où nous avons lu au verset 6. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Utakopesha kwa mataifa mingi lakini wewe usikope kamwe. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Et ailleurs l'écriture dit. Fazi ingine andiko inasema. Tu ne peux même pas te soucier du bien-être des nations. Hawezi hata kuhangaika juu ya mkario maisha mzuri ya mataifa. Mais nous devons nous soucier plus du bien-être de nos frères. Lakini tunapaswa kuhangaika zaidi kwa ajili ya maisha mzuri ya wanduku. Voyez bien mes frères et sœurs. Unaona ndugu na dada mpendwa. C'est pourquoi. Je kwamana. En tant que fils et filles de Dieu. Saba toto ya Mungu banamke na banaume. Ne cherchez pas à vous enrichir sur le dos de frères et de sœurs. Usitafute kujitajirisha kwa ajili ya kutawala wanduku yako na badada yako. Dieu punit cela. Mungu yuko na piza ile. Et nous devons être justes avec nous-mêmes. Et regardez dans Néhémie au chapitre 6. Il y a eu encore autre obstacle. que ces captifs devaient surmonter. Awa wafungwa wa Yuda walipashi kushinda. Dans Nombre au chapitre 6, disons dans Néhémie au chapitre 6. Néhémie sura 6. Les ennemis d'Israël ne se sont pas fatigués. Waadui wa Israël wao awakuchoke kamwe. Frère, duko. Satan ne se fatigue pas dans son travail. Shetani yeye asichoke kamwe mukazi yake. Quand Satan a un objectif, wakati Shetani yeko na kifuguzio, il fait tout ce qui a son pouvoir pour l'atteindre. Atafanya yote iwezekanapo kwake apate kuipata ile kifuguzio. Si vous ne vous confiez pas en Dieu, kama wewe umutumainie Mungu, vous tomberez certainement, utanguka hakika, dans les pieds de Satan. Mu mikono ya Shetani. Dans les pièges. Ah, mu mitego ya Shetani. Les ennemis d'Israël. Baadui ya Israeli. En voyant qu'ils avaient tout échoué, wakati waliona ya kwamba yote walifanya haikuwezekani, ils sont allés parmi les Juifs, parmi le peuple d'Israël, walienda katikati ya Wayuda, pour corrompre, donner l'argent, ja kupatia fedha, à certains chefs de ce peuple, wa viongozi fulani ya Wayuda, afin de faire échouer l'œuvre. Ili bapate kushindishwa kazi ya Mungu. Comme parmi le peuple il y a toujours des fous. Sawa vile katikati ya taifa kunekalaka batu babongo basipo kunyoloka. Partout où il y a le peuple de Dieu, bazi yote panapatikana watoto wa Mungu, on y trouve toujours des fous. Peko napatikana pia na babongo. Et les faux, on les trouve même parmi les conducteurs. Babongo wanapatikana hata katikati ya viongozi. Imaginez un conducteur. Nafikiri kwanza kiongozi. Qui ne voit que ses intérêts. Ule anaona paka mafaida zake. Et qui ne voit pas le bien-être de l'église ou du peuple. Lakini yeye asione vizuri vya taifa wala vya kanisa. C'est horrible. Ni hatari ya mbaya. C'est comme un parent. Jiku sawa mzazi. Qui ne voit pas le bien-être de sa famille. Ula sione faida ya jama yake. Et il ne veut pas le bien-être de sa famille. Asipende mafaida ya nyumba zake. C'est méchant. Ile ni ukaidi rombaya. Dans Néhémie au chapitre 6. Néhémie à sura 6. Dans son verset 9. Mustari ya 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et il disait, awa watu walipenda kutushikirisha boka na walikuwa nasema, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Hawatakuwa tena na udari na hii kazi haitafanyika tena. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Sasa hivi, oh Mungu, nitie nguvu. Je me rendis chez Maeja. Nikaenda kwa chez Maeja. Fils de Delaja. Mwana wa Delaja. Il s'était enfermé et il dit, alikuwa anaisha kujifungia na akasema, allons ensemble dans la maison de Dieu. Twende pamoja munyumba ya Mungu. Au milieu du temple. Katikati ya hekalu. Et nous fermerons les portes du temple. Na tutafunga milango ya hekalu. Car ils viennent pour te tuer. Kwani wata weko na kuja juu ya kuua. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Na ni katikati ya usiku watakuja juu wa kuue. J'ai répondu. Nikajibu. Un homme comme moi prendre la fuite. Mutu sawa mie nipate ukimbia. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Na mutu kani sawa mimi ningie mwekalu juu nipate kuishi. Je n'entrerai point. Sitaingia kamwe. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Nikatambua ya kwamba haikukue Mungu alimtuma. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Akatabiri yulu yangu muina muna kwani Sambala na Tobija walimpatia fedha. Ale gagna ainsi, il espérait que j'aurais peur et je suivrai que je suivrai ses avis et je commettrai un péché. Na alitumainia ya kwamba mimi nitasikia boga na tafuata wazo yake na tatenda zambi. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Baripashi kufaidia muile kushambuliwa kumutu wangu na pashi kufunikwa haya. Imagine. Mufikili kwanza. Shemaeja ici, c'était l'un des sacrificateurs. Uyu Shemaeja, alikuwa mmoja wa makuhani. Mais un homme corrompu mutu, par Sambala et Tobija. Mwenye kupewa fedha na Sambala na Tobija. Quand je lisais ça, j'ai dit, c'est horrible ça. Wakati nalisoma hii nisema hii ni mambo mbaya kabisa. Ça fait peur. Inaleta boka. Comment un homme qui est placé devant un peuple pour le conduire doit se laisser corrompre pour détruire le peuple de Dieu? C'est Satan. Même ses agissements prouvent cela. Parce qu'il était attaché à l'argent. C'est pourquoi la cupidité n'est pas une bonne chose. La Bible dit, quand quelqu'un est corrompu, ses yeux deviennent aveugles. Il ne peut plus voir la vérité. Quand quelqu'un est corrompu, il ne peut plus défendre ce qui est juste. Il ne peut plus défendre la vérité. Il ne peut plus défendre le peuple de Dieu. Il ne peut plus défendre la vérité de Dieu. Shemaeja connaissait la situation que traversait le peuple venu de l'exil. Maintenant, il voulait profiter sur leur dos. La honte du peuple juif faisait sa gloire. On ne peut pas faire ça. Non, bien-aimé frère. Regarde dans le verset 20, le verset 15. L'amiral fut achevé. Le 25e jour du mois de Elul. À 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation. Elles reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Na walitambua ya kwamba kazi ilimalizika kupitia mapenzi ya Mungu wetu. Quand Dieu agit, wakati Mungu anatenda, même l'ennemi sait, hata adui anajua, que ça c'est l'œuvre de Dieu. Ya kwamba hii ni kazi ya Mungu. Et ce qui s'accomplit, hii yenye kutendeka, c'est pas la volonté de Dieu. Ni kupitia mapenzi ya Mungu. En ce temps-là, mwile wakati, il y avait aussi des grands de Juda. Kulikuwa tena wakubwa wa Yuda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevait de lui. Na walikuwa na muandikia Tobija, nao Tobija alikuwa na waandikia. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment. Wani wa mingi mule mu Judea walikuwa wengi kuungana naye kupitia biapo. Parce qu'il était gendre de Shekania. Wani alikuwa mkuu wa Shekania. Fils d'Arach. Mwana wa Arach. Et que son fils Jokam avait pris la fille de Meshulam, aliowa binti wa Meshula, fils de Berekia. Mwana wa Berekia. Il disait même du bien de lui à ma présence. Alikuwa anamsemea hata vizuri muwepo wangu. Et lui rapporter mes paroles. Na alikuwa anamwambia mambo zangu. Tobija envoyait des lettres pour me frayer. Tobija alikuwa ananiandikia mabarua juu ya kunisigilisha boka. Frère. Duku. Regarde ce qui se passe ici. Tazamini inafanyika hapa. Ce ne sont même pas des gens simples. Ce ne sont pas même les membres. Ce sont les chefs de Juda. Que Sambala et Tobija avaient déjà corrompu pour que l'œuvre de Dieu soit freinée. C'est pourquoi ces hommes furent maudits. Duku, ne faites jamais d'alliance avec des méchants na watu waovu qui détruisent l'œuvre de Dieu. Wale wanaharibu kazi ya Mungu. Ne soyez jamais dans l'église msikue kama mkanisa un informateur mtu wa kupeleka mahabari des méchants ya batu babaye qui ne veulent pas que cette église ici évolue. Bale ya mapende ya kumwamba hii kanisa iendelee. Vous serez certainement maudit. Hakika utalaaniwa. Et vous en recevrez votre compte. Na utapata malipo zako. Ce n'est pas correct. Aina mzuri, aina sawa. Ils étaient avec Néhémie. Walikuwa pamoja na Néhémie. Néhémie pensait que Néhémie aliwazia ya kwamba ces hommes ici sont avec moi watu wao pamoja nami pour rebâtir la ville ya kuyengulula et en même temps tena ils étaient avec Sambala et Tobija. Pembeni walikuwa tena na Sambala na Tobija. Et dans le noir, ils avaient déjà lié, noué les relations. Pembeni walifanya maagano. Avec serment. Na kiapo. Ils étaient des gendres. Walikuwa hata wanaoana batoto yao wanaoa huku na baba wanaoesha kule. Là, c'est humain. Souvent c'est humain. Kila mara ni bumutu. Les gens pensent que quand un gendre dit quelque chose, c'est toujours la vérité. Nipaka ukweli anakuambia. Non, c'est faux. Bia bongo. Voyez la preuve est ici. Hakikisho hiyo hii. C'est seulement par méchanceté. Ni kwa roho mbaya tu ukaidi. Ça c'est le comportement de Judas. Jo namna kutenda ya Judas. Judas était avec Jésus. Judas alikuwa pamoja na Yesu. Et en même temps, il était avec les ennemis de Jésus. Tena alikuwa na waadui wa Yesu. Il marchait avec Jésus. Alikuwa anatembea pamoja na Yesu. Il mangeait avec Jésus. Alikuwa anakula pamoja na Yesu. En même temps, kumpembeni, il coopérait avec les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Alikuwa anaongea na kusikilizana na wakuani wakuu. Pour tuer Jésus qu'il était censé défendre. Juba apate kumuua Yesu. Il était censé croire. Apate kumuua Yesu ule yeye alipasha kuamini. Et Dieu punit toujours de telles bêtises. Mungu kuna pisa vikali watu wakutenda vitu bivaya. Ce qui a eu autrefois, c'est ce que nous voyons même aujourd'hui. Vous pouvez trouver quelqu'un, il est dans l'église. Mais il est avec l'église. Mkanisa, lakini, ana pamoja na kanisa. Il semble être avec l'église. Mais il parle à mal contre l'église. Lakini anasemea vibaya ya kanisa. Il envoyait des lettres à Tobija pour lui informer ce qui s'est passé parmi le peuple juif. Et Tobija aussi lui envoyait des lettres pour s'informer de la situation qui s'est passée. Ils ont échoué leur mission. Pourquoi? Parce que Néhémie était sincère, elle était droit, il était juste en ce qu'il faisait, et ils n'ont pas trouvé de faute dans Néhémie sur lesquelles ils pouvaient s'accrocher afin de détruire l'œuvre de Dieu. C'est vrai. Bien quoi. Je me disais que c'est grave ça. Quoi na sema hii ni mambo ya hatari. Des chefs corrompus. Viongozi baba patie fedha. Ils sont corrompus. Ils ont des alliances. Ils sont liés par les liens de mariage. Pour anéantir l'œuvre de Dieu. Frère, nous sommes aussi dans une bataille. Nous n'avons pas le droit d'être distraits. Surtout vous les conducteurs de cette église. Vous n'avez pas le droit d'être distraits dans votre vie, dans votre conduite. Satan fera toujours son travail. Il y a longtemps, je pense, 18 ans, j'avais prêché un petit message. Tu ne peux jamais empêcher à Satan de venir frapper à votre porte. Est-ce qu'il y a des frères qui se souviennent de ça? Ou des frères, que vous pouvez voir. Ça fait quand même quelques témoins. Ah, kuku bashuda. Parce que là, on était encore un petit nombre de gens. Tungariki watu kidogo. Satan, tu ne peux pas l'empêcher. Shetani hawezi kumzuiza. Hata uko pasteur. Même si vous êtes pasteur. Hata uko mzee. Même si vous êtes un ancien. Hata uko mhubiri. Même si vous êtes prédicateur. Hata uko bibi wa pasteur. Même si vous êtes la femme du pasteur. Hata uko choriste. Même si vous êtes un chanteur. Hata uko administrateur. Même si vous êtes mzamini. Hata uko prophète. Même si vous êtes nabi. Hata uko nani. Qui que vous soyez. Hawezi wewe kumzuiza Shetani. Vous ne pouvez jamais empêcher à Satan de venir vous visiter. Shetani kwa kutembelea atakuya. Certainement. Il y a un moyen de protéger. Je ne vais pas dire aux jeunes garçons les jeunes garçons ils vont toujours chercher à te draguer. C'est à toi que tu puisses te protéger avec la parole de Dieu. Vous refusez toutes les sollicitations de Satan. Nous avons le droit de refuser toutes les sollicitations du diable. C'est vrai, frère. Bien kweli nduku. En tant que fils et fille de Dieu, sawa batoto ba Mungu banamke na banaume, ne te laisse jamais corrompre par quoi que ce soit kwa izuru kitu kyokyote pour détruire l'œuvre de Dieu. Jia kuharibisha kazi ya Mungu hapana. Ne le faites pas. Usifanye kama vile. Ne te laisse jamais corrompre par qui que ce soit kwa izuru nani pour détruire un frère jia kuharibisha nduku ou une sœur. Voilà. Dada fulani. Ne le faites pas. Usifanye vile. C'est méchant. Ni rombaya. Ce que tu sèmes là. Ile kuna panda ile. Tu vas le récolter. Utaivuna. Ne liez pas des alliances avec n'importe qui. Apana kufanya maagano wala masigizano na mtu wote wote. Ne liez pas d'amitié avec n'importe qui. Ushunge urafiki na mtu wote wote. Un homme juste. Mtu wa waki. Qui a une pensée pieuse, qui craint le Seigneur dans son cœur, il vérifiera chaque alliance qu'il veut faire. Il va vérifier chaque action ou chaque parole qu'il veut poser. Comme lui ne voudra jamais être nui dans ce qu'il fait, il ne voudra pas aussi le faire envers les autres. Surtout que nous sommes un peuple en voyage. Comme je ne voudrais pas que quelqu'un soit une pierre d'achoppement dans mon voyage, je ne voudrais pas aussi être une pierre d'achoppement dans le voyage de quelqu'un. L'église est avec moi. Attention avec les serments qui vous lient avec les gens. Attention avec les dires de vos gendres, de vos beaux-pères, de vos beaux-frères, de vos belles-sœurs. Le mariage est quelque chose d'honorable, hein? Mais il est honorable s'il est bâti sur les fondements de la vérité. Et si les liens qui vous unissent sont basés dans la crainte de Dieu, que personne ne vienne vous suivre pour détruire l'œuvre de Dieu parce qu'il te donne l'argent. Chaque fois que tu n'as pas la farine, il te donne la farine. Des fois, il te donne des babouches, il te donne un peu de vêtements. Vous voyez, et quand tu es un peu en difficulté là, il vient te secourir. Non, nous avons été appelés à une haute vocation. Vous ne pouvez pas hypothéquer votre salut, votre âme pour les choses matérielles. C'est comme je l'ai souligné déjà une fois ici. Un frère qui est en conflit avec un autre frère, une soeur qui est en conflit avec une autre soeur, il vient te corrompre, il se noue d'amitié pour que tu sois derrière lui ou derrière elle, pour être en guerre avec, contre un frère ou une soeur qui t'a rien fait. Même si ce frère-là l'avait offensé, il ne t'a pas offensé toi. Toi, tu ne peux pas te tenir du côté, à côté d'un homme ou d'une femme pour combattre celui-là. Si tu étais correct, tu devais les départager. Tu devais les départager. Ah oui. C'est vrai, frère. Kama unakuta banduku bawiri au badadawiri abasikilizane frère ou deux sœurs qui ne s'entendent pas, Mungu, si tu es animé par un esprit de Dieu, ton travail à toi kufuanya basikilizane de faire en sorte qu'il puisse se réconcilier, que Satan qui est au milieu de la puisse les quitter, qu'il puisse rester en réconciliation. Il ne faut pas venir exciter ou mettre du feu dans l'huile, de l'huile dans le feu. Qui est plus méchant que les deux là. Manake wao nakomu kaidi kushinyandia wale wawili. Tu n'es pas correct, Dieu ne peut pas t'apprécier. Hauna wa kunyoloka Mungu hawezi kukufurahikia. C'est vrai, frère. Bya kweli nduku. Même dans l'église ici. Hata mkanisa. Tu ne peux pas aller. Hawezi kuenda. C'est pas par méchanceté. Vous montez des plans avec ton ami. Unatengeneza mapu na nduku rafiki yako. Vous l'amenez, vous allez l'accuser au pasteur, vous venez l'accuser à l'église pour qu'il soit chassé de l'église. On ne peut pas faire des choses comme ça. Dans la prédication, les Hébreux, frères, on me condamne cela. On ne peut jamais, deux frères ou trois sœurs ne peuvent pas comploter contre quelqu'un dans l'église pour qu'ils soient écartés de la conduite de l'église. C'est la méchanceté. Nous ne voulons pas de Sambala, de Tobija dans l'église. Si c'est à Tupende, bah Sambala, na bah Tobija. Des gens qui aiment tellement l'argent. Bah tu veux nous peindre fait ça, non. Ils aiment les biens matériels. Bah peindre bitu. Plus que même les âmes. Kushindi plus que les vrais de Dieu. Kushindi ata kazi ya Mungu. Regardez comment l'écriture dit. Tazameni namna kaniandiko inasema. Même à ma présence. Même à ma présence. Hata muwepo wangu. Il disait en bien. Alikuwa anamsemea vizuri. Comment tu peux parler en bien? Namna kani utasemea vizuri. Pour un méchant. Mtu mbaya muovu. Quelqu'un qui détruit l'œuvre de Dieu. Mutu comment tu peux parler en bien? Kazi ya Mungu namna kani utamsemea vizuri. C'est faux, frère. Numbaya, nduku. C'est malhonnête. Il a une yawaki. Un véritable fils ou une véritable fille de Dieu. Mtoto wa Mungu wa kweli mwanamke wala mwanaume. S'éloignera. Ataenda mbali. De tout homme faux. Na mtu wote wa bongo asipunyoloka. De toute femme qui est fausse. Mwanamke wote asipunyoloka. Qui met les bâtons dans les routes. Ule anazuiza. Pour que l'église ne marche pas correctement. Ula nazuiza juu ya kanisa isiende mzuri. Un ennemi de l'église. Adui wa kanisa. Quelqu'un qui se fait ennemi de l'église. Mutu anajifanya kuwa adui wa kanisa. Un honnête ne peut pas s'en approcher. Mutu wa uwaki hawezi kamwe kumkaribia. Parce que c'est Satan fait. Ule ni shetani c'est la même politique. Si vous vous souvenez de ce que nous avons étudié dans les salles de l'église, Satan pour chasser le Saint-Esprit dans l'église et pour abattre la chrétienté, il a envoyé beaucoup de faux dans l'église. Il y a des grandes manœuvres pour bien travailler. Mais Dieu alakini Mungu ne peut jamais laisser un tel comportement impuni. Awezi kama kuacha tabia ya hivi bila yeye kuyapiza hapana. Bien mes frères. Napendo manduku. Quand Dieu commence une œuvre, wakati Mungu akianza kazi yake, nduku, il n'y a pas suffisamment de démons en enfer hakuna mademona pour adeza. Arrêter ce que Dieu a déjà commencé à faire. Dieu mbo kusimamisha kile Mungu anishaanza. C'est lui qui va s'opposer à ce que Dieu fait. Pima kupinganisha c'est celui-là na kazi qui sera écrasé. Ule njo batamuponda. C'est lui qui voudra jeter de l'opprobre sur ce que Dieu fait. L'opprobre retombera sur lui. Itamwangukia yeye mwenyewe. Dieu Mungu reste Dieu. Eko na bakia Mungu. Il n'est pas un homme comme toi et moi. Yeye ana mtu sawa wewe na mimi. Dieu Mungu reste Dieu. Anabaki Mungu. Il n'est pas faible comme toi et ana moi. Ana mzaifu sawa wewe na mimi. Dieu Mungu est tout puissant. Yeye ni mwenyezi wa uwezo wote. Il ne connaît pas de faiblesse. Wake yeye hakuna mzaifu. Il ne connaîtra jamais d'échec. Na kamwe hawezi kamwe kushindwa. Et quand Dieu utilise quelqu'un, wakati Mungu anamtumia mtu fulani, les gens peuvent s'achoper, watu wanaweza kukwala, l'instrument que Dieu utilise, ile chombo Mungu anatumia, pensant que c'est l'œuvre d'un homme, na kuwazia sema ile ni kazi ya mtu, c'est pourquoi, ils vont combattre cette œuvre, bon, watakombania ile kazi, mais quand Dieu sisi son serviteur, hata kama Mungu analamusha mtumishi wake, bila nifanya na Nehemia, l'œuvre, kazi yoyo, est allée jusqu'à l'achèvement, ilienda na mukumalizika. Satan Shetani a commencé à combattre alianza kukombanisha l'église de Jésus-Christ kanisa Yesu Kristo depuis sa naissance tangia mwanzo yayo kule ku Pentecoste ku Yerusalemu il a fait entrer des loups aliingisha bambwa mwitu dans l'église mu kanisa des chiens dans l'église bambwa mu kanisa dans l'église bapinga Kristo mu kanisa ils ont tué baliua ils ont fouetté balipika fimbo ils ont maltraité l'église l'église. Mais Satan a échoué. Lakini Shetani alishindwa. Mangalivi ya leo. Nous sommes la continuité. Tuko maendeleo. De l'œuvre de Jérusalem. Ya ile kazi ya Yerusalem. Il est couvert de honte. Anapata haya Shetani. Depuis la Pentecôte. Tangia Pentecôte. Il met les bâtons dans les roues. Anazuiza. Duku, la Bible dit, nasema, la gloire utukufu, de la dernière maison ya, sera plus grande ya mwisho, que la gloire de la première. Itashindia ya kumwanjo. Il a fait tout pendant les âges. Alifanya yote mbizazi, pour faire la vérité. Ya kusimamisha, aujourd'hui, ukweli, ya lakini, nous sommes les témoins leo, tuku bashuda, de cette vérité-là. Ya ile ukweli, plus de 2000 ans après. Kisha miaka elfu mbili, et aujourd'hui dans cette génération. Leo mwikizazi, ce que Dieu avait commencé. Ile Mungu alianzaka, avec nous. Nasi, Dieu l'achèvera. Mungu ataimaliza. Il a fait tout. Alifanya yote kwa ikanapo. Dans watu wasiende mkunyanyuliwa. Angalibi ya leo. Nous sommes les candidats sisi, à l'enlèvement. Tuku watu wa kunyanyuliwa. Na tutaenda mkunyanyuliwa. Et Satan sera confus. Na Shetani atapata haya. Nous sommes tuko dans la main du Tout-Puissant. Mumukono ya Mwenyezi wa uwezo wote. Bwana Mungu amibariki. Continuerons demain. Tutaendelea kesho. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. N'acceptez jamais de corruption. Musitike kamwe ba mikate midomo na pesa. Ni pas les liens d'amitié. Wala kupitia ma. Ni pas les liens du mariage. Wala kupitia ya mandoa. Ni pas la corruption d'argent. Wala kupitia ukata midomo na pesa. Ni pas la corruption de bien. Wala na vitu. Pour détruire l'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu. Ne le faites jamais. Musifanye kamwe ile. Prions. Tuombe. Père céleste.